Dans ces situations brouillardeuses où la route n'a pas été déneigée, on perd tous ses repères. En effet, qu'il y ait ou pas de marquage, tel qu'une ligne stop, ne change rien à mon comportement. Je dois être prudent et prêt à m'arrêter. Dans la situation numéro 2 où je dois céder le passage à droite, c'est une évidence. Dans l'intersection numéro 1 où je bénéficie de la priorité ponctuelle, car la priorité ponctuelle, à la prochaine intersection, ne me donne aucune sécurité supplémentaire. Un véhicule venant de droite peut très bien glisser au freinage et déborder du stop. Réponse A et C.